Bonjour à tous. Le mercredi 8 mars, ici Dominique Lelièvre et les informations. Les Backstreet Boys rejoignent Muse et Metallica parmi les têtes d'affiche du 50e Festival d'été de Québec. Les amateurs de pop et d'électro se réjouiront, eux, de la venue en juillet prochain du DJ Flume ou encore de la formation Dance qui interprète le succès Cake by the Ocean, Fred Fortin, Groenland, La Chicane, Bernard Adamu, les Cowboys Fringants représenteront eux le Québec. Amadou et Mariam ainsi que Ben l'Oncle Soul seront présents en musique du monde et pour représenter la France également. C'est au compte-gouttes que le Festival d'été de Québec a choisi de dévoiler depuis midi sa programmation. D'autres noms devraient s'ajouter au cours des prochaines minutes. Rappelons que les 20 000 billets de la prévente Desjardins se sont écoulés hier en moins de 30 minutes. La prévente générale débute demain. Les laissez-passer coûteront 95 $, puis 105 $ à partir de juin. Et rappelons que ce 50e Festival d'été de Québec sera présenté du 6 au 16 juillet. Les chambres de commerce de Québec et de Lévis proposent un nouveau modèle d'affaires pour sortir le pont de Québec de l'impasse. Le rapport de la firme Mallette qu'ils ont commandé recommande la création de deux sociétés d'État pour en assurer la pérennité. La première serait chargée d'effectuer des travaux sur l'infrastructure, notamment de peinture, et ce sur une période de 15 à 20 ans. Cette société d'État serait financée dans des proportions qui restent à déterminer par le provincial, le fédéral et le Canadien national. La seconde société d'État aurait, elle, pour mandat de faire la promotion patrimoniale et touristique de l'infrastructure qui célèbre, rappelons-le, en 2017, son centenaire. Le rapport suggère aussi la réalisation d'une nouvelle étude pour estimer le coût des travaux de réfection. Reste à voir quelles seront les réactions politiques, tant au municipal qu'au provincial. Et au fédéral, ces réactions ne sont pour l'heure pas connues encore. En fait, le gouvernement Trudeau octroie 650 millions de dollars sur 3 ans à la promotion des droits des femmes dans les pays en voie de développement. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des femmes. L'enveloppe financera la planification et la planification familiale et la contraception, mais aussi les organismes soutenant l'avortement. Et c'est une pratique à laquelle le gouvernement Harper avait mis fin en 2010 et qui est maintenant de retour sous l'air Trudeau. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. C'est nuageux aujourd'hui, devenant alternance de soleil et de nuages cet après-midi. Il fera plus 4 degrés. Quelques averses de neige débutant ce soir. On attend de 2 à 4 cm de neige la nuit prochaine. Demain, jeudi, quelques averses de neige également. Il fera moins 4 degrés. Vendredi, c'est ensoleillé, mais il fera moins 7 degrés. Présentement à Québec, c'est plutôt doux. Il fait 2 degrés. C'est généralement nuageux.